LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ça bascule, on est en avril 94, on est en vacances de Pâques, à la campagne avec ma grande sœur qui avait 20 ans, mon frère qui venait directement avant moi, et ma petite sœur qui était toute petite. Et l'avion tombe du président. On lui apprend le lendemain, c'est mon frère qui vient nous réveiller, qui a écouté, qui aimait beaucoup écouter RFI, et qui nous dit, on dit qu'Abialimana est mort. Et mon frère, il nous dit, ils vont nous tuer. On va mourir, c'est pas possible. C'est trop gros. Si on tue Abialimana, forcément... c'est les Tutsis qui sont accusés, ils vont nous tuer. Grandir avec la guerre, réinventer la famille sans les adultes. Ma première préoccupation, c'est comme toute adolescente, j'ai juste envie de retourner dans mon lycée, retrouver mes amis. Et en ce moment-là, moi, je pense que ce qui est embêtant, c'est qu'on sent que les vacances vont être prolongées. Et puis on se dit, ah, quand même, papa et maman ne sont pas là, c'est pas bon. On commence à avoir peur. Au Rwanda, pendant le génocide comme après, les orphelins ont formé de grandes familles de substitution composées d'enfants pour résister au massacre et à la destruction. Rapidement, on commence à voir les maisons qui brûlent sur les collines plus loin. Et là, on sent que ça se rapproche de nous. Et toujours pas de nouvelles de mes parents. Et Jeanne. On va à la messe de dimanche, comme on est très catholique. Et à la fin de la messe, le monsieur qui prêchait au milieu de l'explication de l'évangile, il dit « Peuple, protégez-vous de l'ennemi qui est parmi vous. L'ennemi, c'est d'abord votre voisin. » Il n'a pas du tout dit, mais quand il dit ça, on sait. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'appel officiel au massacre qui est lancé dans mon église. Donc c'est comme ça que moi je considère que ça bascule sur ma petite colline. Après on rentre, le soir, mon oncle vient nous voir. Il nous dit qu'il ne faut pas dormir à l'intérieur de la maison. On prend les matelas, on les met sous un avocatier qui était juste derrière l'enclos. Et on prend les couvertures et on dort là pour pouvoir fuir s'il y avait un problème. Je suis avec ma sœur, qui a 19 ou 20 ans, ma petite sœur, qui a 7 ans, mon petit cousin, qui doit avoir 10 ans, et puis il y avait aussi une amie qui était chez nous, qui était de Nyanza. Mon frère était là également, mais il décide de faire le guet pour nous prévenir s'il y avait des meurtriers qui venaient nous attaquer. Et donc, lui, il ne dort pas avec nous. Au petit matin, il nous dit « Il faut partir loin d'ici parce que vous allez mourir, ça c'est sûr. Et le tout, c'est de ne pas vous faire torturer. Il faut mourir ailleurs. » Et là, notre amie qui était avec nous, elle nous dit « Vous savez quoi? Il y a des militaires à Nyanza. Allons-y. Avec un peu de chance, on se fera tuer par balle. Et peut-être on réussira à éviter les machettes. » Et donc c'est comme ça qu'on choisit notre destination en fonction de la mort la moins douloureuse. Parce qu'il n'était pas question de ne pas mourir, parce qu'on savait qu'on allait mourir. Mais en tout cas, on n'avait pas une alternative. Donc on part avec ma sœur, Claire, ma copine, d'un côté, et de l'autre, mon frère, mon grand frère et son cousin. On ne met rien, on met juste deux jeans et des baskets et... Je me rappelle que je prends une pagne de ma maman comme souvenir, mais c'est tout. On prend une pagne pour mais vraiment qu'on met autour du cou, mais on prend rien. Et ma petite sœur, elle faisait une crise de palud. Elle est tellement malade, tellement fiévreuse qu'on ne peut pas l'amener. C'est un déchirement total de laisser la petite sœur. Mais en même temps, la situation elle est tellement démentielle que c'est ce moment-là où au fait, on commence quasiment à penser à soi, à se sauver. Et donc, on marche, on croise les Hutus qui ont des machettes, bien aiguisées, comme il faut, qui commencent à s'attroupler. Mais ils n'ont pas encore reçu l'ordre de tuer. Et là, ils nous arrêtent, ils nous insultent, ils nous demandent où on va. Et donc, on avance comme ça, on croise les tueurs qui se rassemblent en petits groupes, etc. Et arrivé en mi-chemin, on croise un monsieur qui était Hutu, qui est devenu un grand tueur, qui aimait beaucoup papa et qui nous prend en voiture, en stop. Arrivé à Nyanza, on descend à peine, les militaires nous arrêtent. Mais il intervient, il dit que nous ne sommes pas des cafards, qu'il connaît bien notre père et il demande pardon pour nous et là il nous relâche. Et on va chez ma copine. Et puis on a une sorte d'accalmie parce qu'on a l'impression que d'abord on est dans une famille, il y a une maman, il y a les grandes sœurs de ma copine et puis on a l'impression qu'on est de nouveau dans un cadre familial et que rien va nous arriver. Et donc on passe une journée comme ça et à 17h les Tutsis ils sortaient de la ville, ils allaient dormir dans les campagnes aux alentours parce qu'ils avaient fait de se faire tuer la nuit. Et donc on voit une horde de gens qui se suivent et dans la bonne humeur, en rigolant, en racontant les histoires. C'était une situation, c'était presque ludique. Enfin, moi, je le vis comme ça. On marche une heure et on s'arrête dans les ménages et des Tutsis. On rentre chez les gens qu'on ne connaît pas, qui nous accueillent. Et je ne me rappelle pas très bien. Je ne sais pas si on a dormi par terre ou pas. Enfin, c'est souvent des situations assez floues. En mémoire, il y a le feu dehors. Et puis voilà, c'est une situation ubuesque. Le lendemain, il fallait se lever tôt. On a suivi le mouvement de retour. Et là, on passe. On avait passé un lac, c'était un endroit qui était connu pour des promenades amoureuses, on faisait des pique-niques, et c'est cet endroit-là qui, en tout cas dans ma mémoire, constitue le lancement des massacres à Nyanza, parce que nous on est passé et les gens qui étaient 20-30 minutes peut-être derrière nous, ils se sont fait tuer. Ils se font massacrer et ils se font jeter dans le lac. Et on entend courir, allez vous cacher. Je suis bien incapable de vous dire qui lance les cris, qui dit quoi, qui fait quoi. Et on court tous. Et on se retrouve dans les bananiers, dans les buissons. Et c'est comme ça que le génocide commence pour moi. Ce qu'on voit beaucoup sur ces dessins d'enfants, c'est des scènes très crues, très brutes. Hélène Dumas. Rien n'est omis des détails de la mise à mort, voire de la cruauté. Par exemple, dans ce dessin d'un garçon qui a 14 ans au moment où il a fait, on le voit, lui, représenté au milieu d'un champ de sorgho. Et puis, dans le haut du dessin, des Inhalamwe, donc ces miliciens qui ont participé au génocide de manière très importante, donc avec des uniformes très détaillés et surtout avec des machettes. Et souvent dans les dessins, les armes sont disproportionnées. Et on voit également sur ce dessin probablement un membre de la famille qui est allongé et dont du sang s'écoule de la tête du personnage. « C'est ces moments-là où, des fois, j'ai des trous noirs. Je voudrais lire le récit d'un... un extrait, évidemment, du récit d'un jeune garçon. Voilà ce qu'il écrit. Tu voyais une journée comme une semaine à cause de ta peine, de la faim et de la soif, car tu venais de passer plusieurs jours sans manger. Les cris de douleur emplissaient l'air, les sifflets des inalamwe, beaucoup de cadavres rencontrés dans la bananeraie, sur les collines, dans les ruines, sur les chemins, à la rivière, partout où tu pouvais te rendre. Le cœur vagabondait. Tu te demandais si la nuit allait enfin tomber. Ici, j'en profite pour dire que quand la nuit tombait, tu sentais un peu de répit et tu pouvais prendre un semblant de repos, même si tu ne trouvais rien pour apaiser ta faim. Entre-temps, le Tutsi était devenu l'ennemi. Il était chassé de manière très minutieuse, sans relâche, à l'aiguille. Même si tu pouvais aller chez ton voisin Hutu lui demander qu'il t'ouvre sa porte, il ne pouvait pas te l'ouvrir, mais il poussait une clameur contre toi en disant « Quitte chez moi, je n'ai pas besoin de serpent chez moi ». Alors que vous viviez bien ensemble avant, alors que vous partagiez le cuit et le cru, alors que vous vous demandiez du feu, du sel et du pétrole. Mais quand ce temps est arrivé, il t'a chassé, il t'a laissé dans tes malheurs. Ces misérables, nous avons trait nos vaches pour eux, nous les avons nourris et c'est devenu comme le dit le proverbe, ceux auxquels le roi a donné du lait sont ceux qui ont refusé de l'écouter. On finit par rester que toutes les deux avec ma sœur, à se cacher partout où on peut trouver un endroit. Et je me rappellerai toujours de cette fille qui s'appelait Donata, qui faisait partie des gens qui se cachaient avec nous, que je connaissais parce que c'était ma camarade, on partageait le banc de l'école. Elle était là et puis elle voit une cachette impressionnante. Et dit « allons-y là-bas, allons là-bas ». Et je me rappelle lui dire « moi et ma sœur, non, là c'est... Ce buisson, il est tellement immense qu'évidemment, ils vont venir dedans, on ne peut pas. Viens, on va chercher une autre cachette de taille normale qui ne soit pas évidente. » En fait, on a rapidement les réflexes. Et Donata, il refuse et va se cacher dans son grand buisson et... Et quelques minutes après, il l'a retrouvé, il l'a tué. Et donc, on reste là. Et il y a des fouilles toute la journée, la nuit. Et donc, on reste allongé sous la pluie. Et au fait, dès que le soleil se levait, notre espérance de vie se réduisait en minutes. S'il pleuvait beaucoup, beaucoup, on avait peut-être 30 minutes, une heure, et à la tombée du jour aussi. Dagokunda, dagokumbuye, gwino nkurore mvuzi mpundu. Quand la nuit tombait, je me rappelle qu'on se mettait debout. Et là, c'était le luxe d'avoir le droit de se mettre debout, peut-être de faire quelques pas debout sur nos jambes, c'était incroyable. Mais oui, on avait le droit de tirer nos bras et puis de parler. On se disait, tiens, avec un peu de chance, on mourra demain. Toi qui liras ce témoignage, tu sais que pendant le génocide, les serpents ont été nos amis. Nous avons passé du temps avec eux dans des trous qu'ils avaient creusés. Nous avons passé les nuits dans les brousses qu'ils habitaient. Nous avons croqué leur nourriture. Nous avons léché la terre où ils avaient laissé leurs traces. Nous avons déterré les patates douces comme des taupes. Je parle des serpents parce qu'ils ont été de bons voisins pour nous au moment où les humains comme nous nous ont abandonnés. On s'est caché dans les buissons avec, avec des épines. Et on s'est caché partout. Partout, on peut imaginer ou on ne peut pas imaginer. Et on essayait de se déplacer à 2h du mat pour essayer d'aller où on espérait qu'il n'y aura pas de fouilles. Et puis, à un moment donné, on se fait attaquer par les fourmis rouges. Ça, c'est vraiment, c'était drôle. Et en plus, ils ont choisi de nous piquer au milieu de la... Enfin, vraiment, quand le soleil est se levé, et le seul moment où on ne peut pas sortir. On va sortir de notre cachette, se faire découper à cause des fourmis. Et on se disait, mais on peut tenir, mais en fait, non, ce n'est pas possible. Et là, on se débarrasse d'une partie de nos habits. Je me rappelle que le pagne de maman... était tellement infesté qu'on a dû le laisser là. J'ai cette image et on essaie de bouger en rampant pour chercher un autre cachette. Mais c'était très risqué parce qu'il y avait vraiment un passage des miliciens qui chantaient. On était vraiment quasi à bord du chemin parce qu'on ne pouvait pas aller nulle part ailleurs. Ils couraient souvent, ils chantaient très fort. C'était... Oye, toi, Tsemba, Tsembe, Oye, si on les exterminait, c'était quand même des gens qui étaient terrifiants. Ils traînaient les corps, ils ont les machettes ensanglantes, enfin, c'est quand même des images terribles. Donc, quand ils passaient près de nous, mais quand je dis près de nous, des fois, c'était très très proche, quelques mètres. Le nombre de fois où un vrai. On considère qu'on est mort, mais qu'on ne meurt pas. J'ai eu beaucoup de chance, au fait, de me cacher avec ma sœur, parce que à un moment donné, au fait, on pensait qu'on n'était plus que deux Tutsis qui restaient dans le pays. Et donc, oui, à un moment donné, on a envie que ça s'arrête et on se dit qu'on est deux, ça sert à rien, qu'est-ce qu'on fera, de toute façon, on vivra où, on finira par nous tuer. Et à un moment donné, je ne me rappelle plus si c'est elle ou si c'est moi, mais à un moment donné, il y en avait vraiment une qui a dit on ira demain, promis, juré, on ira se rendre demain. Tellement on était fatigués, on voulait que ça s'arrête, on voulait mourir comme les autres. Dans ce temps, de petits oiseaux qu'on appelle Ubukuiti sont venus. Ils ont commencé à voler en cercle autour de nous et ils ne cessaient de pépier. Nous disions à ces petits oiseaux, « Pardonnez-nous, Mukabiaroe, que votre descendance soit nombreuse. Vous aussi, vous voulez nous faire tuer ? Nous prenions des feuilles et nous les leur jetions. Puis nous les chassions en disant « Chiche !» mais tout bas pour qu'ils ne nous entendent pas. De 15h à 17h, ces petits oiseaux n'ont cessé de les rameuter pour qu'ils viennent nous tuer. Comme on était à peine cachés, quelques minutes après seulement, il y a des enfants qui jouaient ou qui cherchaient je ne sais quoi de l'orphelinat qui nous voient. Un orphelinat qui était tenu en fait, par des prêtres italiens et qui était sous la protection de la gendarmerie. Et l'éducateur qui accompagnait les enfants, il nous explique rapidement que l'orphelinat en fait, accepte de protéger les enfants, mais qu'ils ont l'ordre de prendre des enfants de 10 ans. Les autres, ils se faisaient piocher et ils se faisaient tuer. Vous avez quel âge ? Là, j'ai 16 ans et demi. On était tellement, tellement maigre et tellement sale, tellement. On était devenu. Enfin, en tout cas, moi, j'étais redevenue comme un enfant. Qu'il dit mais toi, tu peux tenter. Donc, j'arrive. J'apprends plus tard que le prêtre qui protégeait ses enfants, qui s'appelle Eros, n'était pas là, il y avait son remplaçant qui ne devait pas être aussi gentil. Et il me dit Oya mukobwa uri mukuru genda genda. Non, jeune fille, tu es trop grande, tu dois partir. Je le regarde, je lui dis mais vous êtes prêtre, vous voulez que j'aille où? Là, j'ai l'impression que c'est le seul moment de ma vie où je suis vraiment insolente. Et je lui dis, mais je retourne pas dans ces machettes. Et il me dit, tu dois partir, je refuse. Parce qu'il avait un pistolet. Puis je voyais les militaires qui étaient loués, je dis, vous me livrez aux militaires. Tout ce que je veux, c'est de mourir par balle, mais je refuse de retourner dans les machettes. Ou vous pouvez me tuer parce que vous avez une arme. Et il finit par me dire, viens rejoindre les autres enfants. Ma sœur vient, comme moi, et le prêtre le chasse probablement avec beaucoup plus de vigueur, je ne sais pas. Et ma sœur, oui, il le chasse. Mais c'était une histoire qui était pour moi insupportable, que j'avais fini par penser qu'elle est arrivée le soir même. En fait, c'est beaucoup plus tard, quand on en a reparlé, qu'elle m'a dit que oui, elle est restée les quelques jours dehors et sans moi. En ce moment-là, oui, j'ai pensé à ma propre vie et je n'ai pas été héroïne, visiblement. Et donc, je pense que c'était tellement douloureux, tellement inacceptable pour moi que quelque part, je l'avais abandonnée et qu'elle pouvait mourir et que moi, j'étais au chaud, que la mémoire se débrouille dans ce cas pour que ça devienne supportable. Donc j'arrive dans cet orphelinat et il y a énormément d'enfants. Ils ont des blessures terribles de machette. Il y a des enfants qui sont vraiment des bébés, dont les parents ont été tués et les gens ils les récupèrent. Et donc l'orphelinat est plein de petits-enfants. Et donc rapidement, nous sommes mobilisés. Et c'est simple, on vous attribue 1, 2, 3 enfants et vous en êtes responsable. Donc moi, du haut de mes 16 ans, on me confie des enfants et s'ils sont blessés, il faut s'en occuper, il faut les laver, il n'y a pas de couche, il faut se débrouiller, il faut les nourrir. Et donc rapidement, je deviens une petite maman parmi d'autres. Et donc au début, il y avait 2 repas par jour, après il n'y en avait plus, on mangeait au milieu de la journée, vers 15h, pour le reste de la journée. Mais ce qui est encore plus douloureux de cette période, c'est que les enfants, ils ont commencé à mourir. Je n'ai jamais su ce que c'était. On te confiait un enfant, et puis il avait la fièvre. Il mourait. Et puis on le savait aussi quand on entendait derrière la chapelle les bruits des hommes qui creusaient les petits tombes. Et donc on entendait le bruit des houes. Et le plus tragique, c'est qu'on nous en donnait une autre. Et je ne sais pas combien ils sont-ils morts. Et puis, je me rappelle aussi qu'à un moment donné, il a dit tu avoir des livraisons de biscuits. Et puis, on commence à nous dire de ne pas jeter les cartons des biscuits parce que ça faisait les petits cercueils pour les enfants. Et le plus douloureux, c'est qu'ils n'avaient pas de nom. Elle m'a donné, c'était au mois de mai, je ne me rappelle pas du tout des dates. Les militaires sont rentrés, je ne sais pas combien ils étaient. Ils mettent les fusils sur les tempes de certains adultes. Enfin, ils doivent tirer dans le plafond pour faire peur. Et puis ils sortent. Et au final, donc ils partent. Et puis on nous a dit qu'on n'allait plus mourir. On ne pouvait pas imaginer qu'on n'allait pas mourir. Ça ne rentre pas automatiquement. Nous, on était dans la mort. La notion de vie n'était plus, ne nous appartenait plus. Ce n'était pas quelque chose qu'on envisageait. Et quelques jours après, on voyait les adultes venir chercher les enfants. Et nous, rien. Personne ne venait nous chercher. Et un jour, il y a un monsieur qui est un très bon ami de mon frère. Il me dit, mais vous savez quoi, votre mère est vivante. Et on lui dit, ben oui, bien sûr. Je refuse de le croire. Il dit, si, si, si, ils l'ont retrouvée. Votre maman, elle est là, là où vous habitiez. Et donc, on est arrivé. Mais je ne me rappelle plus la scène. Quand on rentre et qu'elle nous voit, je ne me rappelle pas. On a retrouvé notre maison avec rien. Si, il y avait un pyjama de mon père. C'est tout ce qui restait. Et un jour, les écoles se sont réouvertes et on est retourné à l'école. Et petit à petit, la vie a repris. Qui dessine donc un avocatier sous forme d'une grande fleur colorée, extrêmement gaie. Et elle-même se représente assise sous cette fleur arbre, mais elle se dessine sans bouche. Comme tous les enfants se dessinent sans bouche muée. Le mutisme renvoie aussi à l'impuissance, l'impossibilité de crier et l'impossibilité d'avoir recours aussi aux adultes qui ne peuvent plus les protéger. Elle a assorti donc son dessin d'une légende. J'ai surmonté tellement de choses, je suis immortelle. Je vais vivre sous l'avocatier que mon père a planté et vivre d'avocat. Plus tard, je planterai des graines. Moi, je m'appelle Osei Sengabeata. Je suis née au Rwanda. Et moi, je m'appelle Clotilde. Et j'ai 37 ans. En fait, le lien avec moi et Clotilde, déjà, c'est ma cousine. À part de ça, on a eu la même histoire des génocides. On est de l'escapée dans une famille là où il y avait beaucoup de personnes, peut-être 200. Après le génocide, on s'est trouvé. Alors, on était à peu près 10. 10 enfants. Ma grande sœur avait, pendant le génocide, elle avait 17 ans. Et du coup, moi j'avais 13 ans, à peu près, je l'ai eu en juillet. Et puis, il y en a qui avaient 8 ans, 7 ans, 5 ans. Et voilà. Donc, on s'est trouvés ensemble. Là où on habitait, il n'y avait rien. On dormait par terre parce qu'il y avait la guerre encore. Déjà, ils avaient volé tout. Donc, on s'est trouvé à peu près 7 enfants, toutes seules. Après, on a commencé, on s'est dit, comment on va vivre? Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, il faut que je grandisse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris responsabilité, plus qu'aimer ma grande sœur, je ne sais pas pourquoi. Au Rwanda, l'enfance a été bouleversée par cet événement majeur qu'a été le génocide, une rupture absolument radicale. Ça a surtout bouleversé les représentations de la famille, puisque beaucoup de ces enfants se sont retrouvés sans père ni mère. Et après le génocide, sont nées de nouvelles formes de parentalité. Parce que les orphelinats étaient trop peu nombreux pour accueillir l'ensemble des orphelins, et puis ils ont peu à peu été fermés par le gouvernement rwandais. Si bien que de nouvelles formes de familles sont apparues, des familles d'enfants, des familles d'orphelins, qu'on a appelées, donc placées sous la responsabilité d'orphelins chefs de ménage, c'est comme ça qu'on les appelle au Rwanda, et ces familles, eh bien, ont été dirigées, conduites par des enfants qui, parfois, avaient entre 12 et 19 ans et qui ont élevé les plus petits sans, parfois, qu'il n'y ait de lien de parenté antérieur entre ces enfants. Donc, le génocide des Tutsis a profondément bouleversé l'ordre des familles au Rwanda et, en particulier, pour toutes ces familles d'orphelins. On est parti à Kigali. Donc, imaginez, On est né au village. On ne savait pas c'est quoi la ville, donc on s'est trouvé à la capitale. Et on commence à chercher. On ne connaît pas la route. On était petites. Mais on a essayé de chercher quoi vivre entre nous. Et on a trouvé des associations pour nous donner à manger, mais quelques temps, il n'y en avait pas. Et donc à ce moment-là, vous étiez déjà ensemble? Non. Ah, à ce moment-là, je n'étais pas avec E. Ma maman, elle est survécue du génocide, vu qu'elle est morte après 97. Du coup, on est resté à... nous, on est resté au village, en fait. Je n'ai pas venu tout de suite à Kigali. J'étais avec ma maman, avec ma petite sœur. Et du coup, on a reconstruit une toute petite maison, un petit toit. À ce moment-là, ma maman, elle était fatiguée. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai retrouvé le rôle de soutenir ma maman et ma petite sœur. Je cherchais à manger. Je me suis trouvée grande aussi. Et du coup, ma maman, du coup, dans ce moment-là, elle est tombée déjà malade. Elle est morte en trop tard. Et je me suis retrouvée toute seule avec ma petite sœur. Arrivée ma petite sœur. Et c'est là, après, que je retrouvais mes cousines à Kigali. Et du coup, ils sont venus. On a commencé à penser comment les enfants ils vont vivre. S'il y a quelque chose qui arrive encore, il faut qu'on soit ensemble. Les familles d'orphelins ont été créées parfois à l'initiative des rescapés eux-mêmes, par les enfants rescapés eux-mêmes, soit parce qu'il n'y avait pas de famille d'accueil avec un adulte pour les recevoir, et ils se sont donc regroupés, soit parce qu'un certain nombre d'entre eux ont fui les maltraitances dont ils étaient victimes dans ces familles d'accueil et ont préféré vivre entre enfants orphelins pour échapper à ces maltraitances. Et un autre élément important à apporter, c'est que le gouvernement rwandais a considéré que les orphelinats étaient un héritage colonial et que dans la famille traditionnelle, donc avec de grosses guillemets, puisque cette tradition est largement réinventée, eh bien c'était aux membres élargis de cette famille, c'est-à-dire au pays, hein, de prendre en charge ces orphelins. C'est pourquoi tous les orphelinats sont actuellement fermés au Rwanda. Les derniers ont fermé leurs portes en 2015. Et donc, c'est aussi ces familles d'orphelins sont aussi le fruit de cette politique de réunification familiale qui a été valorisée par le gouvernement rwandais après 1994. Des associations se sont même créées pour porter les revendications de ces familles. Il y a eu une association de rescapés très importante qui était l'association des orphelins chefs de ménage, qui était affiliée à Ibuka, la grande association de rescapés, pour venir en aide et porter les revendications de ces nouvelles familles qui ont pris leur place dans le paysage très social et politique bouleversé de l'après-génocide. Donc le combat des vivres a commencé, on est à peu près 10 personnes qui travaillent, on est à l'école. Bon, pour moi, je ne sais même pas qu'est-ce que j'imaginais. Je disais, est-ce que je suis vivant avec tout ce qui s'est passé? On était triste. Est-ce que je vais vivre ou c'est comme on est en train de faire un rêve, quoi. Mais on ne réalisait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où que les gens ils commencent à nous raconter et votre maman il l'a tué comme ça et ton père il était tué comme ça et ton frère comme ça et tout ça et ça traumatise dans notre tête. Bon, malgré tout, on a avancé. Et donc vous étiez 10 comme ça, un petit ouais. groupe d'enfants. Oui. Et pour manger, des fois on mangeait pas. Le plus dur, c'était de manger. Oui, on était jeunes quand même, de voir les enfants qui dorment sans manger. Peu qu'on avait, on disait, on mange le midi, mais le soir, on ne mange pas. Du coup, il y avait même les familles et les voisins qui savaient, du coup, à temps en temps, une famille qui nous amène à manger, qui prenait les petits-petits et donnait à manger. Mais nous, les plus grandes, du coup, on dormait sans manger. Du coup, c'était difficile qu'on a rencontré beaucoup. Au fond de nous, on pleurait. On avait mal. Mais bon, il ne faut pas que les gens ils voient ça. C'est ça que je pensais à moi. Je pense que mes cousines aussi pensent la même. Il ne faut pas que les gens qui nous ont tués, tu nous as rêvé tous nos parents, ils voient qu'on est mal en fait. C'est ça dans ma tête. On avançait quoi, on avançait. C'était le but, c'était ça. Il faut avancer, il faut aller à l'école, il faut travailler. C'était ça. Pour y aller à l'école, c'était un peu compliqué. Il y en a qui se disaient, ça ne sert à rien que je fais l'école. C'est qui que je vais faire plaisir? Mais nous, toujours, on se disait, il faut continuer, il faut continuer. On va vivre. De toute façon, si on ne nous a pas tués, on va vivre. Il faut qu'on va à l'école. Il faut qu'on aide les petits pour grandir. Sa petite sœur, elle avait 2 ans. J'ai ma petite sœur aussi qui avait 5 ans. Et son frère aussi, il avait 5 ans. Donc, ils étaient tout petits. Et moi, je préférais que... Et ils avancent plus que moi. Il ne faut pas arrêter, il faut y aller. On va grandir, ne vous inquiétez pas. Il y avait des moments où on s'oubliait nous-mêmes. Nous, les plus grandes, nous, on s'oubliait. Ça veut dire quoi? Il y avait des moments où on dit, là... Je mets un petit côté, si j'ai envie d'acheter un chemise pour moi, je ne l'achète pas. Mais je vais acheter un chaussure pour ma petite sœur ou ma cousine. Parce que moi, dans ma tête, je comprenais les situations plus vite que le plus petit. Ils ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé en fait. Il y avait même des plus petits qui ne savent pas pourquoi on est tout seul en fait. On se met à côté un petit peu, on s'oublie en fait. On s'oublie. Et après, aujourd'hui, maintenant, on peut dire, on peut penser nous-mêmes. On se reconstruit nous-mêmes, même si on ne peut pas, le temps qui est perdu, on ne peut pas le retrouver. Mais maintenant, là, on peut dire, là, je peux vivre un petit peu moi aussi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, par exemple, si je vois quelqu'un qui m'a appelé le numéro qui vient au Rwanda, je suis traumatisée, je me suis dit, peut-être... Et c'est la petite qui a un souci. Et là, je ne dors pas. Il faut que je demande qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas effacer ça. Mais même aujourd'hui, je vais toujours savoir est-ce qu'il va bien. Cette place d'orphelin chef de ménage, d'être porté à la tête d'une famille... Elle n'a pas toujours résulté d'un choix. Elle a résulté plutôt de l'ordre de la nécessité qui leur a été imposée par le génocide. Et pour ces jeunes gens, ça a plutôt eu des conséquences assez terribles. Bien souvent, ils n'ont pas pu suivre une scolarité normale. Et ce sont eux qui ont payé le coût économique de cette scolarité extrêmement heurtée. Et donc, c'est aussi des foyers qui étaient marqués par une très grande précarité socio-économique. Et il y a une jeune fille qui dit que les enfants rescapés sont des héros. Ils sont des héros parce que malgré tout ce qu'ils ont subi pendant le génocide, ils parviennent malgré tout à étudier. Et puis, ces chefs de ménage ont également porté leur famille. Et aujourd'hui, j'en connais un certain nombre qui sont extrêmement fiers, effectivement, d'avoir pu, entre 12 et 14 ans, élever 3 ou 4 petits frères ou cousins, et que ces enfants aient pu réussir dans leurs études et les avoir portés jusqu'à une profession, jusqu'au mariage, etc. Donc aujourd'hui, les relations sont... En tout cas, la vie socio-économique est moins difficile que celle qui est décrite en 2006. J'aime pas être triste en fait. Quand je suis triste, ou s'il y a quelqu'un qui me dit les mots qui me brisent, et ça me fait un peu penser tout ce que j'ai vécu. Donc j'essaie de ne pas être triste, mais dans la vie c'est pas possible. Ouais, c'est pas... Des fois, quand je pense beaucoup, ou j'ai un souci, j'appelle Clotilde, je dis est-ce qu'on peut se voir, on mange ensemble, et puis on essaie de parler d'autre chose. Mais à chaque fois qu'on est ensemble, au moins il y a 5 minutes de parler de notre histoire. Toujours. Génocide. Je peux dire, Clotilde, t'appelles ça? Elle peut me dire, tu l'appelles ça, là où on était? Et ça me donne la force de toujours vivre. Ça nous réunit en fait. Toujours. Ça nous rappelle aussi nos vies avec nos familles aussi. Ça donne du sens. Ça donne du sens à maintenant. Il ne faut pas qu'on oublie. Parce que c'est une histoire qu'on a vécue, qu'on a partagée sur tout ça. Surtout nous les enfants. Parce que nous les enfants, on était petites. On courait. On partait. Est-ce que vous avez pu vous sauver? On a pu se sauver. Tu courais, tu étais caché, tu te sauvais. Mais ça nous réunit aussi. C'est qu'on est la famille, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'on est la famille, qu'on a grandi, qu'on a gardé ce lien familial, que ça, c'est ça qui nous réunit. On discute, il y a des mots, on met des mots. On se rassure les uns les autres. Du coup, c'est ça qui fait que ça nous aide à grandir, ça nous aide à vivre, en fait. Et surtout que là où on est des mamans, on a des enfants. Ils ont quel âge, vos enfants ? 9 ans et 5 ans. Plutôt la plus grande. Et me pose beaucoup de questions. Il va à l'école. Il y a ici, il est papa, mamie, tata. Tu vas chercher les autres enfants. Et le mien me demande, maman, pourquoi j'ai pas tata, papi, mamie qui va me chercher ? Ça, c'est dur à expliquer à l'enfant. Ils sont plus là. Pourquoi? Ils sont morts parce qu'ils sont nés tout petits. Et demain, tu accouches, on va à la maternité. Tu te trouves tout seul. Tu dis oui, s'il y avait maman. S'il y avait papa. Du coup, c'est compliqué. C'est aujourd'hui qu'on s'est rendu compte qu'on n'a plus rien de la famille. Aujourd'hui. Mais après génocide, je ne sais pas, c'est parce qu'on était petite, on ne se rendait pas compte. Mais aujourd'hui, quand on parle de nos histoires, c'est là où on s'est dit, est-ce que c'est vrai que j'ai aucune maman, aucune tante, ou une personne que je peux compter comme une famille? Après le génocide, ces familles qui se sont construites, c'est des familles qui ne sont pas seulement symboliques, mais réelles, parce qu'aujourd'hui, les papas et les mamans qui ont élevé ces enfants, ça peut être aussi parfois des adultes rescapés qui ont pris en charge des enfants eux-mêmes rescapés, sont de véritables familles. C'est-à-dire que dans tous les rituels sociaux rwandais, en particulier les mariages qui sont extrêmement importants, il y a toujours un représentant de la famille qui doit parler, puisqu'il y a des négociations de famille en famille pour la dot, par exemple. Et imaginez que pour certains jeunes, il n'y a personne de leur famille qui puisse parler à leur place. C'est pour beaucoup de rescapés une immense tristesse. Si vous voulez, le traumatisme du génocide et de la perte des parents est réactualisé dans ces circonstances particulières. Et précisément, ces papas et ces mamans de substitution sont là pour combler un peu le vide laissé par les adultes disparus pendant le génocide. Et ces familles, elles sont de... Alors, on n'oublie pas les parents disparus, mais elles ont été extrêmement étayantes après le génocide et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, y compris quand on songe aux familles recomposé de manière extrêmement élargie. Je pense en particulier à l'Association des étudiants et des élèves rescapés du génocide, l'AERG, qui est née donc en 1995, précisément pour créer des entités familiales avec des papas et des mamans donc plus âgés, pour aider les élèves du secondaire en particulier, qui, pendant les vacances, devaient retourner sur leur colline et souvent étaient confrontés à des difficultés matérielles immenses parce qu'il fallait qu'ils cultivent pour se nourrir et également des problèmes de sécurité puisqu'ils retournaient sur leur colline où, bien souvent, ils se sentaient extrêmement menacés par des voisins qui avaient participé au génocide. Donc, ces familles élargies et puis plus restreintes ont représenté à la fois une innovation sociale après le génocide, puisqu'elles n'avaient jamais existé, ces familles, et les liens qui sont tissés à travers ces familles sont des liens affectifs extrêmement forts, puisqu'elles existent encore aujourd'hui. Alors que la plupart donc de ces enfants orphelins sont aujourd'hui adultes et ont fondé leur propre foyer, ils conservent ces liens très, très puissants avec l'AERG ou avec leur père ou leur mère de substitution qui les a élevés depuis 1994. On va continuer. Il faut qu'on doit vivre pour expliquer nos enfants qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, elle commence à grandir. La petite fille, elle vient rentrer. Oui, Marie-Emma. Donc, elle... Je suis obligée d'expliquer tout. Ma fille qui va avoir 10 ans, elle sait que la mort, ça existe. Mais quand il me demande, est-ce que tu as dit au revoir à ta maman? C'est là que tu te rends compte, qu'est-ce que je vais expliquer à mon enfant? Des fois, il me dit, maman, pourquoi tu es triste? Par exemple, quand on est au mois d'avril, c'est le mois qu'on est en train de passer nos parents. Moi, je mets les bougies, je fais la lumière pour ma famille. Elle me dit, maman, ne sois pas triste. Et quand je dis, oui, je pense à ma famille, et des fois, elle me fait câlin. Donc, elle aussi, elle veut s'en occuper à sa maman. Et moi, ça me fait, je m'en occupe et puis j'arrête de penser à ça. J'essaie de lui montrer que je ne suis pas triste. Parce que moi, je me rappelle la nuit là où le génocide a commencé. Mes parents, ils étaient très inquiétés. Et moi, le dernier jour que j'ai vu ma mère, j'ai couru avec ma petite sœur qui est décédée avec ma mère. Il était sur mon dos. Et dans quelques mètres, j'ai vu ma mère derrière moi courir. Et il me disait, donnez-moi l'enfant parce que Betty, ma fille, là, c'est compliqué ce que j'ai vu derrière. Et toi, tu peux courir, t'es un peu grande. Je veux qu'on se sépare. Elle a pleuré, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle avait peur. Elle était très, très... Il ne voulait même pas nous regarder. Il a pleuré, il a baissé. Il ne peut pas m'expliquer pourquoi. Donc, il n'avait pas les mots. Elle a baissé. Oui, elle a fait comme ça. Elle a dit, vous allez courir toute seule. Et moi, elle a pris ma petite sœur que j'avais au dos. Elle a mis au dos. Elle a pris les deux plus petites. À la main, ils sont partis. Elle a vu derrière elle, avec les machettes et tout. Et donc, elle était traumatisée. C'est là où j'ai vu que ma mère n'était plus la même. Pour moi, elle était déjà plus là parce que elle ne savait pas quoi faire, en fait. Et là, je pense que l'image, là, il me reste. Elle s'est dit, voilà, je préfère mourir toute seule sans voir quelqu'un qui va tuer mon enfant dans mes yeux. Elle n'avait pas le choix. Moi, j'essaye, par exemple, quand il y a un souci, j'essaye de dire, mes enfants, vous inquiétez pas, je suis là. Et moi, j'essaye de dire, mes enfants, on va y arriver, toujours. Dans la vie, même si on est fatigué ou on est triste, on va y arriver. Parce que si j'ai peur, eux aussi vont avoir peur. Donc, je laisse mes enfants que s'ils voient maman, ils sont protégés. Ma mère, peut-être que c'est parce qu'elle n'avait pas le choix, mais aujourd'hui, si j'ai le choix, moi, je voulais que mes enfants ils me voient comme une protection. Même dans les façons de vivre, il faut que je leur montre que dans tout ce qu'on fait, on peut y arriver. On peut y arriver. Il y a beaucoup, beaucoup les mamans qui ont fait ça, qui ont dit, prends mon enfant et moi, je me donne, ils vont me tuer. Elle regarde comme ça, elle dit, partez vite. Voilà, tu pars comme ça, tu ne sais même pas là où tu vas. Et c'est comme tu marches dans le vide. Elle même, je pense, dans sa tête, c'était comme ça. Ce qui me fait mal, c'est que moi, après, je me suis dit, peut-être que s'il était mort, si j'étais avec elle comme ça, on parle ensemble. Peut-être qu'on se disait les mots, au revoir les mamans. Ça me fait triste, on n'a pas eu le moment de parler ensemble. C'est ça qui me fait triste. Mais après aussi, je me suis dit, même si on était mort ensemble, ça aussi c'est bien. En fait, si j'étais mort avec ma famille aussi c'est pas... non, ça ne me fait rien. Ouais. Parce que je sais que là où ils sont plus que nous. Il y en a beaucoup qui sont morts tous ensemble, surtout. Il y en a beaucoup qui sont morts ensemble. Tous ceux qui étaient à l'église, en fait, ils sont tous morts. Et nous qui étions partis comme ça, c'est nous qui sommes restés. Mais bon. Qu'est-ce qui a changé, c'est quand j'ai eu les enfants, je pense. C'est ça qui a changé. C'est là que j'ai commencé à voir des moments de besoins, les familiales, en fait, des besoins des parents, je pense. C'est là que j'ai commencé à penser à moi. Il y avait peut-être un moment aussi que j'ai mis un truc comme une petite barrière, en fait. Je me dis, peut-être il faut que j'oublie un peu pour que j'ai envie de vivre. Et c'est ça. Il ne faut pas que je pense tout ça pour que je ne me fasse pas mal, en fait. Après, j'ai pleuré beaucoup. Quand j'ai eu des chagrins, j'ai pleuré beaucoup. J'ai parlé à mes cousines et mon frère. Et là, ça a commencé à aller mieux. Est-ce que c'est pour ça aussi que c'est important pour vous d'avoir des enfants à vous? Ben oui, c'est une façon aussi de nous reconstruire, de dire que la famille, il ne faut pas qu'elle soit morte, qu'on est là quand même. Ça nous soulage, il nous fait le câlin, il nous dit maman. Nous, on n'a plus maman. Ce mot-là, ça n'existait plus il y a longtemps. Mais ça va que tu as un enfant qui dit maman. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait aussi reconstruire une famille. Même si il y a des mamans qui arrivent à dire « J'aurais bien aimé d'avoir ma maman, j'aurais bien aimé d'avoir un papa. » Au moins, mes enfants ont grandi dans une grande famille. De ne pas se poser des questions, pourquoi nous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tout ça? C'est des questions qui restent, que jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. C'est pour ça qu'on raconte nos histoires, pour que ces histoires-là, les enfants, plus tard, ils vont comprendre. Ils vont dire, ma maman, elle a vécu ça. Il y a un souvenir de famille, des paix qu'on a eu. C'est ça qui fait qu'on leur donne nos enfants aussi. C'est les paix souvenirs qu'on a eu qui nous a gardés jusqu'à maintenant. Qu'on reconstruit, qu'on retranspire nos enfants, nos cultures, nos langues, et peut-être plus tard, nos mots, nos gestes. C'est ça. C'était grandir avec la guerre, réinventer la famille sans les adultes. Avec Jeanne Allaire, Hélène Dumas, Beata Uzayisanga, Clotilde Prévost-Mukamujema. Merci à Esther Mujawayo, Espérance Patouro, Leini Mouniakazi. Mixage Benjamin Vignal. Production Perrine Kervran, Marivonne Abolivier, Mathias Mégy, Anne-Lise Signoré. Un documentaire de Pauline Mocor et Véronique Samuilov.